d'excentricité. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, vous écoutez les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la période très très longue du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015. Moi c'est Mathieu Plante. Moi c'est Jean-Philippe Charbonneau. T'as-tu vu comment j'ai commencé slow? Oui. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou! Oui! Oui! Jean-Philippe, donc c'est la dernière émission de la session, c'est ce que ça veut dire. Oui. La dernière émission régulière parce qu'on va marquer dans les tops de l'année à partir de la semaine prochaine. Cette année on l'essaie en deux coups, donc on va avoir deux parties de C'était Fou en 2014 à vous présenter les deux prochaines semaines. C'est la portion bikini. Bikini, le top et le bottom. Le top. Merci. C'est beau, c'est beau. Donc, dernière émission régulière, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes nos chroniques habituelles pour une dernière fois ensemble. Il va y avoir Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Mm-hmm. Dans la première heure. Ouais, c'est la première heure. La deuxième heure contient, elle, un instant classique. Oui, Mathieu, ça, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis entre 6h30 et 9h30. On dirait qu'à partir de 7h30. Oh, le chuchotement. Ensuite, on va avoir aussi C'était fou. La chronique et non pas l'émission. Non, c'est ça exactement. Alors, on va retourner à l'arrière. Mm-hmm. À l'arrière. Alors, Jay. Oui. En haut, en bas, en avant, en arrière. Et voilà. Et finalement, ailleurs dans les palmarès. Mm-hmm. Pour savoir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, c'est bien dit. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours The New Pornographers et Dancehall Domini. Et en francophone, on va savoir si c'est Noem avec À Courir. Mm, on va commencer avec le bloc des nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Dumas, il y aura Hey Rosetta et Until the Ribbon Breaks. Oui, Mathieu, mais on va commencer tout de suite avec les Deluxe avec les mauvais garçons. Oh, c'est nous autres, ça? Ah, ils parlent de nous autres, c'est sûr. Et les mauvais gars. Oh, bad boy, what you gonna do? On est dans une man cave. Mais, hein? Parce qu'on est des caves. Oui! C'est ça. Puis on est des garçons. Bonne émission. What a heartbreak, what a sadness, and what a tragedy in your Nouvelle entrée. Bring that summer on your shoulders. Bring that summer where I first saw you. That first kiss coming. Quatre nouvelles entrées. En anglophone, on vient d'entendre en 19e place c'est Rosetta avec Kintsukuroi sur l'album Second Sight. Et en francophone, 19e place, on avait Dumas avec Vaudou. Et on, tout juste avant, c'était Les Deluxe avec Les Mauvais Garçons en 20e position. Nouvelle entrée francophone, Mathieu. Et en anglo, la 20e, la nouvelle entrée, c'était Until the Ribbon Breaks et A Taste of Silver. Mm-hmm. Nous voilà rendus donc à la fin de ces nouvelles entrées. Il y en avait 4. Ben oui, ça a passé vite. Ben oui, c'était bien ben quickie tout ça. On va dire au revoir tout aussi rapidement à 4 pièces qui nous ont quittés. Exactement, on va leur dire Palmaris and Peace. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Ça fait des parcours bons qui préparent mon salut des pieds. Pour moi, je suis shooter des yakers que je fasse en tamamé. De toute façon, je me sens bien parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson, my whole damn life. Une symphonie, but I will spend money. Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans toutes ces fucking models, man, they all look the same. Toutes ces chambres 212, man, they all look the same. Toutes ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien. Non, rien, ne va plus, rien, ne va plus, ne va plus. Ciao, Charmin. C'était, ce sont les pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 24 au 30 novembre 2014. On a commencé avec le premier extrait, Mathieu. C'était Philippe Braque avec ses tout oubliés qui reste avec nous un maigre 3 semaines. Ouais, je sais pas pourquoi on l'a éliminé celui-là. Je pense qu'il nous a peut-être quitté pour un autre espèce de terre. Ah, c'est des fois ça arrive. Ensuite, Lord Larry Adjust et rien ne va plus que durer 5 semaines. Et ma préférée, une que j'aimais bien quand même, Caribou, Our Love, 3 semaines. C'est celle qui disait Alain. Oui! Alain, dentiste. Dentier, oui, c'est vrai. Hey, on a terminé avec The Stripes et The Perfect Storm qui nous a quitté comme la météo change à tous les jours. Donc, c'était 5 semaines de présence pour cela. Et voilà. Et voilà. C'était Palmarès in Peace où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On fait ça chaque semaine en début de l'émission. Maintenant, on saute par-dessus les 18e. En fait, les 18e et 17e francophones. En 18e, on aurait entendu Bernari avec Kriushkova qui descendait de 3 places. Et en 17e, On aurait entendu Mordicus et Miroir Miroir qui est descendu de 3 positions, Mathieu. C'est bien vrai, on va entendre les 18 et 17e anglophones. Plus tard, il y aura en 17e Return for Refund avec TV Light. Mais on va commencer tout de suite, qui est stable en 18e position avec Orange O'Clock avec Home Run. Pour pas la rester fou sur le 89.1 FM. I was born.

for Refund et TV Light descendent de deux places en 17e position anglophone. Et tout juste avant, c'était Orange au Clock avec Home Run stable en 18e place anglophone toujours. Et là, JP, je suis sûr que tu te dis, mais Colin, que Return for Refund, c'était bon ça? Ouais, j'en réécouterai même d'autres. Ben, Colin, je vais t'en faire entendre d'autres tout en te donnant, pas à toi, mais à l'auditeur moyen. Là. Type, mettons, un CD de Return for Refund. Ben, lâche-moi le bras. quand tu veux, je vais te le lâcher. Quand tu veux. Donc, on a un CD, en fait, on a plusieurs CD à vous donner de Return for Refund. C'est un maxi avec toutes les bonnes pièces. Il y en a comme 7 là-dessus, c'est malade. Ça a été enregistré pendant 2 jours, ça, chez Phase One Studios à Toronto. Pendant 2 jours. Ils ont tout épais ça en 2 jours. C'est génie de Return for Refund. Vous les connaissez probablement de leur ancienne pièce qui était The Fields. On va aller l'entendre dans quelques instants. Oui, tout à fait. Puis en plus, Mathieu, je pense à ça. Mais ça peut équivaloir à un chocolat du calendrier de l'Avent. C'est vrai. T'as plein de raisons d'appeler. Plein de raisons. C'est bientôt les échanges de cadeaux. C'est pourquoi acheter. Gratuit. Bonne Noël. Ben oui, voilà. Ben ouais, tout est le calendrier de l'Avent, Bonne Noël et échange de cadeaux en un seul. En un seul numéro de téléphone. Qui est le 819-376-5183. 819-376-5183. Hein, c'est pour ceux qui nous écoutent en direct le mercredi. Oui, mercredi, alors qu'il est 14h30 et 33 secondes. Voilà, vous le savez maintenant que c'est là qu'il faut appeler. Vous le savez maintenant, c'est ça. Regarde une autre radio. C'est pour ça que j'ai essayé. Donc, Return for Refund, 819-376-5183. On écoute leur ancienne pièce du palmarès anglophone, c'est The Fields. Tout c'est au 89.1 FM. Tu sais ce que je me réconforte en me disant qu'eux, ils doivent des fois se dire « Ah, c'est fou, ça. » Les gens des autres radios. Ah oui, sûrement qu'ils disent. Mais oui, t'as raison. Ah, c'est fou ton histoire. On les poursuit. C'est nous, ça. Return for Refund et la pièce de Fields précédemment dans les palmarès, disons, et on félicite nos nombreux gagnants. Oui, mais attelez-vous, puisqu'il nous en reste deux. Il est pas trop tard. Surprise! Ils nous en ont envoyé toute qu'une batch. Mais hein, donc on vous fait tirer ça bientôt, plus tard dans l'émission. Tiens, bah oui. Pas. Ben oui. Ou tout de suite. Ou tout de suite, quand vous voulez. Appelez maintenant quand ça vous tente, 819-376-5183, auditeur du mercredi. Pendant qu'on saute par-dessus les positions numéro 16, en anglophone, on aurait entendu The Last International avec Killing Fields qui reste stable. Et en francophone, on aurait entendu Propofol avec La Rivière qui descend de 9 places, qui est à la 16e position, Mathieu. Ouais. On va sauter par-dessus aussi les 15e et 14e franco. Donc en 15e, on aurait entendu Deux Pouillons Cavale et Ouais Mais Là qui durent depuis 5 semaine. Mm-hmm. Et en 14e position, qui descend de une petite place, Guillaume Beauregard avec De pluie et de cendres. Ce qui veut dire qu'on va rester en anglophone pour un petit bout de temps. À la fin du bloc, il y aura Melly Grove Band en 14e avec Don't Wanna Say Goodbye. Mais avant ça, en 15e place, JP. Oui, en 15e place, Mathieu, on va écouter la bonne ligne. Oh, wow, tu m'as laissé le bon. Excuse-moi. Wow. Pardon. Non, c'est correct. C'est And You Will Know, You Will Know. Us. By the Trail of Dead. By the Trail of Dead. Ben oui, tout à fait. C'est A Million Random... The Gift. Digits. A Million Random Digits. Ben oui, yeah, c'est pas un F. Je suis sûr que c'est un F, c'est un T. Hey, je suis tellement désolé de t'avoir laissé ça. C'est correct. Ouais. Mais tout ça pour dire que quand même, Return for Refund, un autre album à donner, là, 819-376-5183, pendant qu'on écoute ce bloc-là. Ouais, dépêchez-vous, ça part quand des petits ponchos. Mais des petits ponchos. ouais, un petit peu comme un boulanger qui... Oh, ben, call it, OK, ben, laisse faire la blague. Non, on continue d'appeler. Mais pas trop. Ben oui. Non, on continue. Non, il raccroche pas, là. Il a raccroché. Ben oui. Rappel. Ah, mais le rappel. 819-376-5183, okay, bye! C'est le bon numéro. Là, on arrête de vous achaler, là. Mais... Il est raccroché. Ben, on l'aurait félicité. Ouais. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. 4. 14. C'était le Mary Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye, stable en 14e position anglophone, 4e semaine de présence. Hey, check-moi pas y aller pour la 15e. C'est And You Will Know Us by the Trail of Dead, A Million Random Digif. Hey, je te dis que je t'ai vraiment comme fait faire ça les deux fois. Là. Ouais, mais t'as-tu vu comment je me suis amélioré la deuxième oui, fois? Oui, si vraiment. J'avais à le refaire une troisième fois, ça serait presque parfait. Je te dirais que je vais. Ouais, ok, j'écoute ça. Ok, vas-y. Oui, ok. And You Will Know Us by the Trail of Dead. C'était la chanson A Million Random The Gift qui baisse de 5. Digit, mais t'étais proche. Ah, Digit. T'étais à une syllabe environ. Je suis encore avec le F. Je suis certain de voir un F. Ouais. Non, mais c'est mes yeux. Ok, parce ok. C'est écrit petit, puis. Tu fais des courbes partout, hein, tu vois des courbes partout. Moi, je suis un gars de courbe. T'es comme dans Al, le superficiel, mais à l'inverse. À l'inverse. Lui qui voyait des gens pas de courbe alors qu'il y en avait, tu sais. Ouais. Bref, référence beaucoup trop datée, tout ça, ça n'a aucun sens. C'est oui. N'importe quoi. On est rendu au 13e place du côté anglophone. Je te propose d'entendre Coco Méliès avec Winter Gloves qui monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée. Excellent, Mathieu. Moi, je te propose d'aller écouter Chocolat avec Burnout. Hein, Chocolat qui va être en spectacle. On l'a entendu au Zenob. Ouais. Ce vendredi 5. Cinco Decembre. Je sais pas, c'est vraiment pas de l'espagnol. Je sais pas mais c'est je quoi. Je pense que tu l'as bien dit. J'ai aucune idée. Mais ça, moi, le truc que j'aime, c'est quand ça a l'air vrai. Oui, l'important, c'est d'avoir l'air convaincu. C'est ça. Cinco Decembre. Voilà. Évidemment. Pour voir Chocolaté. Chocolaté. Chocolaté. El Palmareso, c'est fou, ego. Si. Si. We'll be right back. Coco Méliès et Winter Gloves, position numéro 13, ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée. Oui, 13e position francophone, pardon, c'était Chocolat avec Burnout qui monte de 1 place. C'était relax pas mal tout ça, hein? Oui, mais dans le bon sens, bien sûr. On rappelle le spectacle de Chocolat qui a lieu vendredi le 5 décembre au Zénab de Trois-Rivières. C'est une présentation, bien sûr, de C'est fou. Hein? Mm-hmm. Et on les retrouve sur Facebook en tapant « Chocolat ». Tout simplement. C'est même ça avec plein de recettes. Oui, c'est ça. Ça va être probablement dans les 1000 premiers résultats quelque part là-dedans. Là. Tout à fait. Ouais. Donc, on est rendu aux positions numéro 12. Du côté anglophone, c'est Electric Youth et Runaway qui descendent de la 7e place, donc je dirais de 5. Et qui descendent de 2 places, les gars de ma shop avec le troc de la shop gagnant des mardis de la relève, Mathieu. Qui sont là depuis un bon bout de temps. Là. C'est vrai, là, mettons que, disons que, mettons hein? que je calcule rapidement les semaines, ça fait 7. On te souffle à l'oreille que oui. Ça fait 7 semaines. Est-ce qu'ils sont allés au garage changer leur pneu, tu penses, avec leur truc de la chape? Je sais pas, mais moi je suis allé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis ça va continuer demain. La semaine est bouquée sur les pneus. Tout est question de pneus. Voilà. C'est un sujet épineux, comme on dit. Loadé. Mais les gosses sont encore arrivés. Faut la bête qui se grille le truc bien loco. Mais s'asseoir comme on peut faire un assez chaud de bouquin. Avec les gars de ma shop. Avec les gars de ma shop. Deux ans moins quart, le truc est déjà installé. Ah oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Bah c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur la spot. 2, 3, 4, approchez-vous du troc. Du troc des gueules machins, parfois la veille et à vol d'aide. On va caler des chats, ça veut qu'approchez-vous du troc des gueules machins. Faudra bien manger, mon rapport une scène de payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on souffle. Avant que la serveuse finisse sa pause. Avec les gars de ma shop. Avec les gars de ma shop. Pousse trop fort, pis on défonce le mur du bar. On burst au bain notre lock. On veut plus le stage, il reste juste le truck. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Du truck des gars de ma shop, à soi la veille et à votre aide. speed hot, puisqu'il y a le monde qui capote. Ça fait qu'approchez-vous du truck, big up avec la broche. Approchez-vous du truck. Si truck dégomme ma chambre, parfois la veille et à bonne aide. Hot, on va caler des chats. Faut cette femme garder nos culottes. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est pas garanti. 12. On the brink of a new day, on the heels of something more. With the strength of 100 hands, they're stronger than before. They say she'll grow out of it, the contemptuous and cool. In pursuit of happiness, we'll find a way. Maybe we could just run away. Maybe we could just run away. Maybe we could just run away for good. Cause we're both misunderstood. We'll be right back. Took You, The Runaway, descend de la 7e place à la 12e anglophone. Et on a entendu les God Mashup avec le Truck de la Shop qui monte de 2 places. Mm-hmm, on saute malheureusement les 11e en anglophone. On aurait entendu Rich Aquin et Four More Years qui monte de 2. Sago monte de 5 avec Mot de tête, Mot de Mars, pardon, Mot de tête. Sago avec Mot de tête, voyons, Mot de Mars. Hey, voyons donc, toi. Jamais 203, c'est attends, check-moi bien. Okay. C'est la fin de l'heure New Shit des Palmas. C'est faux, on se retrouve dans quelques instants pour l'heure top 10. Là-dedans, il va y avoir les positions 10, les 9, les 8, les 7 et sûrement pas les 6 en plus d'un instant classique et de City. Oui, c'est pas vrai. Mot de tête. Mot de tête ou mot de Mars. Et voilà. Ou mot de tête. Comme vous voulez. Merci finalement. C'est vous qui décidez le nom des tunes. Vous êtes le héros. Fou de merveilleux. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est la deuxième heure des Palmarès Cifou pour la période du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ouais, c'est la dernière émission régulière de la saison. Disons-le comme ça. Ouais, parce qu'il va y avoir d'autres émissions. En fait, deux autres. Hein. Ça va être des spéciaux C'était fou en 2014. On sépare ça en deux blocs de 3 heures cette année. Beaucoup de bonne musique. Ça va être magnifique, ça va être fun. Oui. Donc, c'est la portion top 10 de l'émission. Commençons avec les 10e places, comme le veut la tradition, en 10e anglophone. C'est nouveau, une tradition qu'on vient d'instaurer. Ben oui. 10e place, c'est The Mannequin avec Sucker Punch en anglophone qui descend de 4 places. Et 10e francophone, ça monte de 9. C'est Medora avec Silage. Merveilleux. Puis, JP, je pense qu'on te perd pour quelques instants. Momentanément. Momentanément, mais ça, personne ne va s'en rendre compte. Ça, tu l'as pas dit. Ouais. Ni vu ni connu, comme on dit. Mais c'est... quand je vais revenir en force. Oui, tu vas te mettre à sacrer, puis. Mettre tout nu, ça va faire des vagues! Ah, tu me connais bien! Ouais, ben, attends-toi. Attends-toi. Bonne écoute. Merci. À moi, ça? Ben, à tout le monde. L'auditeur, plus moi, ça. Ouais, OK. Man Quinn et Sucker Punch en 10e position anglophone. Ça descend de 4 places. On a entendu juste avant Medora et Sillage ou Sillage qui monte de 9. C'était de vous la semaine passée sur l'album Ressac. Medora, Sillage, Ressac, pas quelque chose qu'on comprend pas, mais quand même ça a lieu. En 9e place, ce sera du côté anglophone OK Go avec Bright as Your Eyes. Et en franco, ça va débuter avec Lubic et Laisse-toi aller juste après. Ce sera un instant classique. Merci là. Oui. Genre maintenant, quand? Moi, j'ai pas préparé mes affaires. J'ai préparé ça? Ben oui, j'ai préparé. Mais non. Pince la bonne affaire sur maintenant, quand même. Voilà. Oh oui. C'est le FFM, c'est pas le récif. White as white, even the lightning tearing.

27, ouais, je sais plus trop pourquoi j'ai dit ça, 27 novembre 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. C'est difficile, ça, comme début. Ben oui. Tout est mêlé, il y a des affaires que je joue par-dessus, puis il y a ça, puis il y a ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a... Puis, ah, il y a peut-être quelqu'un qui a inversé les boutons sur la console. Ça doit être ça. Moi, je faisais ça avec le cube Rubik de ma grand-mère. Elle n'était pas contente. Je suis prêt à parler des actualités de l'UQTR. Est-ce que tu veux une intro que je mette genre une pub puis une autre chanson de même par-dessus, puis ah... Fais une chose à la fois. Fais une chose à la fois, là, Mathieu. On dirait un choc avec toi. On voit le bureau de Nadia, de Nadia Ghazali d'ici. Donc, en espérant que... On la check. On la check, c'est ça. Elle est sous surveillance. Ouais, ben c'est comme le monstre, tu sais, là, des neiges, là, le Yeti ou le Grizzly Bear. Le Grizzly Bear. C'est comme un grizzly, mais Ghazali à la place, t'sais. Peut-être pas du métal, mais au moins de la musique un petit peu plus intense que ce qu'on joue d'habitude à cette heure-ci. Donc voici Dead from Above. Non, moi j'aime bien l'aluminium. Ah, je peux te faire jouer une chanson d'aluminium? Le style de musique, l'aluminium, ça, c'est très enveloppant. Ça garde au chaud. Ça fait des bonnes papillotes. Genre. Oui, oui. Hein, mon Dieu, papillotes. Papillotes, hein? Dans quelques instants, à 9h30, ce sera deux filles de style et une émission. 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Alors ça commence. Dans mes doigts. Ouais, c'est pas très important le mime, par contre. C'est pas le côté dans plus mon cœur, oui. Je m'inspire beaucoup de Dédé et Anthony. Dans Fort Boyard. Fort Boyard. Aïe, j'étais pas sûr où ça s'en allait, tout ça. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 novembre 2014, toujours avec une semaine de délai parce qu'on enregistre l'émission le mercredi ici, donc on n'a pas encore terminé la semaine. Ce sera la semaine prochaine, en fait, dans notre édition spéciale, c'était fois en 2014, qu'on va pouvoir compléter la semaine en cours. Puis, Colin, ça va être difficile parce qu'avec les délais, je pense qu'on ne pourra pas finir l'année. Hein, les gars, on verra bien ce qu'on va faire avec ça. On était rendu au 8e place du côté anglophone, c'est The New Pornographers. Avant, mais attends un peu, là. Le but même de la chronique, c'est de dire que Assemblage Requis existe. Lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Voilà, la pub est faite. Position numéro 8, du côté anglophone, donc The New Pornographers et Dance Hall Dominique est l'ancien numéro 1 sur l'album Brill Bruisers, mais avançant en francophone, sur l'album Sous la Lune des Marie-Nélise, en stable 8e. Voici l'extrait-titre Sous la Lune, dans les palmarès C'est fou, 89 FM. Thank you. C'est fou, 89.1. 8. Lancé numéro 1 anglophone, c'est Dance All Dominée par The New Pornographers, maintenant en 8e position. Et en francophone, justement, c'était les Marinelli avec Sous la Lune, qui est stable sur l'album, qui s'appelle aussi Sous la Lune. On est rendu au 7e place. Tantôt, on va faire le bloc C'était fou. On va retourner en arrière un petit peu. On va retourner en 2010. C'est pas trop pire. 2009. OK, c'est plus vieux un peu. Alors que 7e place du côté anglophone, c'est Lisa Leblanc avec Gold Diggin' Hoedown qui descend de la 3e. Mais avant ça, voici Holly Laroche et Enveloppé Ensemble qui monte de 10. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. We'll be right back.

C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 2 au 8 décembre 2009. On a commencé avec le numéro 1 francophone, Fred Fortin, avec De La Rama sur l'album Plâtrer la Lune. On n'a jamais compris si c'était Plâtrer ou Plastré, mais bon. En première anglo, c'était Islands avec Vapors sur l'album Vapors. Et en pièce bonus de mon propre choix, de mon chef et de ma décision, menu du jour, menu du chef, c'était Too Fake sur l'album Mind Chaos. Ailleurs, cette même semaine du 2 décembre 2009, il y avait aussi plein de choses en francophone. Le nombre, We Are Wolves, Hôtel Morphée, Ariel, Chinatown, Mimi Van Der Loo, formation locale, Les Maléchés, t'es là, Les Trois Accords, Vincent Vallière, Marie-Pierre-Arthur, La Pantera Rose, ça arrête pas. En anglophone, il y avait Pete Yorn et Scarlett Johansson, oui, Scarlett Johansson qui était bien dans le palmarès, Tegan and Sarah, Metric, Band of Skulls, et voilà, un paquet d'autres affaires. JP est arrivé. C'est vrai, bonjour. Il a le droit de parler, tu sais. Je veux parler avant de dire tout ça. Mais bon. Bon retour à toi pour cette presque fin de deuxième heure. On est rendu aux positions numéro 6. On va sauter par-dessus l'anglophone qui est occupé par The Pack 80 et Cellophane qui descend donc de deux places. Oui, pour laisser place au francophone avec Caravane Saint-Raymond. C'est la sixième position franco. Ça passe de la deuxième. Fait que ça descend de 4. C'est au palmarès, c'est fou. Que ça se passe. Ben oui. Ok. Puis il en reste une heure. Chaque maudit, c'est fort. De nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine puisqu'ils pensent de moi. Caravane et Saint-Raymond, lancé numéro 2, qui descend de 4 places sur l'album Chien Noir. Oui. Ouais, toi, t'as rien annoncé parce qu'on a juste une chanson. Ben, je peux dire qu'on a skippé de Pack 80. Skipper. Avec la chanson C'est le femme. C'est la fin de cette portion d'émission, le top 10. On revient avec le top 5 dans quelques instants. On va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone, mais enfin, on sait déjà que c'est plus ça, c'était New Pornographers et Dancehall Domini. Mais en francophone, on va savoir si c'est encore Noem. On verra dans quelques instants. Au palmarès, c'est fou, reste avec nous. D'exploration sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est fou. C'est la troisième heure, la portion top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine ou la période du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015. Et Jean-Philippe Chabalot. Et les Mathieu Plante. Oui, c'est la dernière émission régulière de la saison déjà. Oui. Je sais que ça finit vraiment tôt, on est comme le genre 3 décembre. Mais nous, on fait l'inverse des centres commerciaux. Oui. Oh. Ouais, vraiment. Au lieu de commencer à jouer des tunes de Noël, des chansons de Noël en octobre, ben nous, on arrête de faire les palmarès normaux. Là, vraiment, c'est très très tôt dans l'année. Mais pourquoi? C'est parce qu'on va avoir deux émissions spéciales des fêtes. Oui, monsieur. Ça s'appelle C'était fou en 2014. En deux parties, donc le bottom et le top. Oui, si on avait une affiche à faire, on ferait quelqu'un en bikini. Ce serait un centerfold. Ouais. Une affiche de milieu de magazine. Voilà, genre. Exactement. Débutons notre heure top 5 avec les numéros 5. En anglophone, ce sera The Pretty Reckless Stab avec Absolution. Et notre ancien numéro 1, Mathieu, donc ce n'est pas le même. Ça serait, on va écouter Noem avec à courir. Tu m'as encore pas averti. Je m'excuse. Mais c'est pas le numéro 1 cette semaine. Je vais te pardonner un jour. Peut-être après. En fait, on peut en parler pendant 2-3 minutes. Elle commence jamais cette chanson-là. Oui, c'est vrai. C'est... Ouais. Mais non, je vais te pardonner tout de suite, ça va être fait. C'est vrai. On n'est pas des paresseux. On n'est pas genre à remettre à plus tard. Pardon. J'ai hâte de voir c'est qui le prochain numéro 1. Ouais, moi aussi. On peut te deviner si tu veux, mais on sait déjà la réponse. Ouais. Ça serait plate un peu comme quiz. Genre un quiz où tout le monde connaît les réponses. Ouais. C'est ouais. Parfait. Ouais, ouais. Exactement. Mmh. Il faudrait voir plus clair, il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre, il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas. À l'autre bout du monde, l'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout du voir 5. Pretty Reckless et Absolution, c'est stable en cinquième. Et en plus, c'est là depuis 5 semaines, donc ça fait 5-5-5. Wow! 5-5-5! C'est beau, mais de mon côté, Mathieu, en francophone, c'était notre ancien numéro 1, Noem, avec À courir. Poche, mais ça fait 5-1-4 par contre. 5-1-4, 4 semaines de présence, c'est voilà. 5-1-4. Voilà. C'est beau ça. Oui. Montréal. Montréal représente. On va y aller avec les quatrièmes places avant de passer au bloc ailleurs dans les palmarès. Donc en anglophone, ce sera Century Palm. Hein, le groupe qui utilise les mêmes quatre premières lettres que le nom Palmarès. Oh, moi je pense qu'il y a un lien à faire ici. Certainement. Leur pièce est To The Ether. Et ça, ça dure depuis 3 semaines. Ça monte de la 9e place. Mais les Palmarès, Mathieu, là, c'est une méchante machine, ça. Oui, c'est gigantesque. Hein. Oui, parce que c'est notre numéro 4. Méchante machine. Avec l'effet veuve noire, ça monte de 7 positions. Hey, tu fais du suspense, t'as pour une pièce qui est juste sur la 4e position. Ouais, je sais. Bravo. C'est les Palmarès, c'est fou. Rempli de suspense. J'ai hâte que ça monte. Ça suce puis ça pense. Oh! Ouais. Malaise, hein? Ouais, malaise en studio. Chasse l'amour comme un retour. C'était Century Palm et To the Ether qui monte de la 9e position à la 4e anglophone. Et qui passe de la 11e à la 4e francophone. C'était Machine Géante avec l'effet veuve noire, Mathieu. Ça, c'est quand une corneille le dit. C'est con! Quatrième! Je suis vraiment pas bon pour les imitations d'oiseaux. Hein. Non. Qu'est-ce qu'on a entendu avant ça? C'était Machine Géante et l'effet veuve noire. C'est bien ça qui a monté de la 11e place. Tu l'as dit? C'est ça que je viens de dire. Ouais. Parce que j'écoutais pas parce que j'entendais juste, c'est ça. J'entendais juste le son que tu faisais. Ah. C'est pas grave. Non, c'est parce que j'étais en train de me mettre dans l'esprit. Parce que là, il faut. Tu sais, les gens à la maison, là, si vous voulez pas avoir une chanson dans la tête pendant quelques jours, écoutez pas les prochaines secondes, OK? Ouais. Parce que c'est ailleurs dans les palmarès. Hein. Et misère. Ça, c'est mon bout. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est ailleurs dans les palmarès, la section où on parle de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 1 francophone et un top 1 anglophone. Ben oui, Mathieu, c'est également un top 30 des albums, un top 3 10 canadiens, un top 10 loud et un top 5, musique du monde. Oui, commençons avec les nouvelles entrées dans le top 30 des albums. Oui, et ceux, je m'étais dit que j'allais les lire pour que ça passe bien, mais j'ai oublié. Donc, donc on a l'album Second Sight, oui, Hey Rosetta, et on a également Until the Rebound Breaks de Until The Ribbon Breaks. Ouais, on les a entendus en début d'émission tantôt. Tout à fait. Dans le top 3 du top 3 des albums, en 3e place, on trouve Death From Above 1979 et The Physical World. En 2e, ça monte de 7, The Bar Brothers avec Sleeping Operator. Et en 1ère place, ça monte de 6, et c'est les artistes, le groupe The Seasons avec Pulp. Oh, intéressant, intéressant. Maintenant, dans le top 3 des disques canadiens, en numéro 3, on a l'artiste Diamond King avec l'album Néon Zéro. On a en 2e place Lisa Leblanc avec son nouvel album Highway Attaches and the Time Well Wasted. Blablabla. Et puis numéro 1, on a The New Pornographers avec Bill Brother. Dans le top 10 loud, y a pas de nouvelles entrées, donc allons-y directement avec le sommet. En 3e place, c'est Blood God qui descend de 2 avec Blood is My Trademark. En 2e, ça monte de 1, Machine Head avec Bloodstone and Diamonds. Et finalement, en 1ère place, le groupe Ne Obliviscaris, tout en majuscule parce qu'ils sont tellement importants. Ah oui. Et l'album Citadel. Et maintenant, Mathieu, top 5 musique du monde, je pense qu'on a une nouvelle entrée. Oui, c'est exact. C'est l'artiste Fantasma avec l'album Eye of the Sun EP et la pièce Eye of the Sun featuring Moonchild. Mm-hmm. Et on va faire un pas de géant pour aller faire le top 3. En troisième position, ça descend de 1. On a Ayat avec Kiran Haluwaya. Peut-être que David pourra me reprendre sur cette prononciation. On a en numéro 2 qui monte d'une place Fauché avec Irad. Et numéro 1 stable, c'est Pierre Quenders avec l'album Mardi Gras. Mm-hmm. Moi, je te suggère, Jean-Philippe, à la fin de ce bloc, on écoute toujours une pièce qu'on a mentionnée. Hein? Et je te suggère d'aller entendre la nouvelle entrée du palmarès Musique du Monde. Ah oui, ok. C'est le fun, ça. Donc, c'est l'artiste Fantasma avec Eye of the Sun featuring Moonchild. On écoute ça à l'instant ailleurs dans les palmarès. Mais ta proposition est acceptée par ton co-animateur. Ça tombe bien, ça, Caroline. Oui. Je serais très mal placé pour dire non! Outrage au tribunal! to go. You are where my home is. I need you to know I am growing slowly, and it seems to show you're the one that knows me. This track's going nowhere that I need to go. You are where my home is. I need you to know I am growing slowly, and it seems to show you are where my home is. Yes, new money, freedom, the good life. Old money, good money, gold suit, hood wife, ANC, Jew life. Bank bonds, house and homes, crowd crazy, y'all with heads, box cutter to the dome. Damn! The game all so twisted. We shine blind, the sunlight, the moon, we stay lifted. Up above the clouds and the opinions, opinions, every angle of the earth is a drop of my dominion. I'm using with my family, feeling so pussy, no kidding. Scared shitting, sugar, Mr. Vine scripted. Really spitting. C'était Fantasma et Eye of the Sun featuring Moonchild sur l'album Eye of the Sun EP sur Soundwaves Records Limited. Dans le bloc ailleurs dans les palmarès. Ça va être le moment de retourner à notre top 20 de chaque côté. On est rendu aux 3e place, n'est-ce pas Jean-Philippe Charbonneau? Ah, Caroline. N'est-ce pas, j'étais, Mathieu? J'étais à ça de l'avoir. J'étais comme tellement fier de ma chance de pouvoir t'accueillir exactement au bon moment. Ah, voilà. Et boy. Donc, on va continuer avec nos positions numéro 3. Du côté anglophone, ce sera Dead From Above 1979 et Trainwreck 1979 qui montent de 9 places. Et du côté francophone, ça monte d'une place, donc qui est stable dans le top 5. Palmarès. Le couleur avec Concerto Rock. Ouh, ouais. Je vais laisser ton micro ouvert tout le long de la chanson pour compenser pour l'erreur que j'ai faite. Ah, merci Mathieu. Très gentil. Tu dis ce que tu veux. Parfait. Moi, j'arrête la mienne. Oh, c'est Valentin. Ah, oh, oups, j'avais menti, j'ai pas éteint mon micro. The New Pornographers. Non, Death From Above 1979. Je le savais en plus, je l'avais dans la bouche. Death From Above 1979 et Trainwreck 1979 qui montent de la 12e à la 3e place anglophone. Et qui montent d'une place en franco. C'était Le Couleur avec Concerto Rock. Ah, des fois, j'ai tellement de syllabes dans la bouche. JP, tu sais, genre, je vais arriver, tu sais, mettons, quelqu'un est en train d'aller aux toilettes, mettons, tu sais. Mm-hmm. Mettons toi, mettons, exemple. Oui. Mettons. Oui, je me demandais pourquoi tu me disais ça, ouais. Ouais, c'est ça, mettons, pourquoi j'ai, je disais ça. Catché, là. Parce que, Colin, t'es parti, you were missing, tu sais, t'étais Miss Mississippi. Mississippi. Oui, mais en fait, je suis allé aux toilettes, à l'Urinoir. Ouais. Et puis, Mathieu me demandait combien de temps ça a duré. Tu sais, comment ça a été long? Je suis comme, oh, ouais. T'as-tu compté ça en termes de 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi? Je la trouve excellente. Si. Si on l'avait pas pratiqué, au moins, tu sais. Oui, non, au moins. Ça sort, c'est fluide. Mettons que c'est un petit peu à l'impropice. À l'impropice, ouais. Wow! Wow! Ouais. Puis, ta soirée. Ah, bon, ben, nos jeux de pipi caca, jeux de mots de pipi caca sont faits. C'est fait. On aura d'autres peut-être tantôt lors des numéros 1 parce que ça s'en vient. On fait tout le temps des jeux de mots poche à ce moment-là. Mais avant ça, on va être rendu à se tirer une barre de The Bar Brothers avec Even the Darkness as Arms et ça monte de 8 places. Et telle l'image qu'on voit dehors blanc de Fanny Bloom. Ah oui, ok. Excusez, ça m'a fait un petit peu de. Ça m'a fait cochonner un peu. Tellement c'est drôle. Merci. C'est les palmarès, c'est fou. J'aurais pu aussi rien dire. J'aurais pu avoir un blanc. Si tu veux reprendre. Un comment? Un blanc. Comme cela? Oui. Tu es en arrière, Denzo? Oui. OK. De nos sentiments. Je te dirais, sois prudent. Mon amour à moi est grand. Si la maison brûle. Dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi, tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repeint en blanc et j'ai ouvert la fenêtre. Je t'attends, je suis fatiguée. Tout est fini, tant même pour toi. holding my breath when the tightrope walker slipped into the moon glow, saying all my children follow me. Maybe it's time to go. You can be chrome when you're white, you can be wise when you're blue. Maybe if I had, then I have for you. Bribing the jury to keep me in jail, singing tea for the killer man. And although I lie fantastically, a sworn oath in my history, it's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I'd die for you. Calling on those that call me son, great-grandson or grandson, great uncles, aunts, and relatives to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. People will raise a whole lot of hell about the water and the windmill. And although I step chaotically, it's no one but me. Even the darkness has armor, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And I light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that blue? Someone's a worry, I don't know how to love. Brothers, Even the Darkness Has Arms, ça monte de 8 places en deuxième anglophone. Et ça monte de 5, Fanny Bloom avec Blanc. Ouais, il y a pas mal de choses qui ont monté, en fait, dont au numéro 1. On est rendu à faire des jeux de mots poche au numéro 1, c'est ce qui se passe. C'est dommage qu'on fasse pas de jeux de mots lorsqu'une pièce redescend vraiment parce que ça aurait été plus approprié, tu sais. Elle monte jusqu'au sommet, jusqu'à ce qu'elle sorte de l'eau. Pour vraiment pouvoir respirer l'air du numéro 1 francophone, si on veut, oui. Avec son équipement et tout ça, d'hommes grenouilles et d'autres scaphandres. J'imagine qu'un peu comme Jésus, ou je pense que c'est Moïse qui séparait les eaux pour pouvoir marcher sur l'eau. Oui. Jésus marchait sur l'eau, Moïse séparait les eaux. Séparait l'eau, oui. Les femmes enceintes perdent leurs eaux. Là, on a pas mal le concept de l'équilibrium, le déséquilibre entre les hommes et les femmes et la religion catholique et les autres. Ce qui me donne une impression de passer à l'anglophone, parce que j'essaie de faire quelque chose avec Kipler, mais... Ouais, non, c'est difficile, mais... Ben oui, mais JP, vas-y, non, je te coupe. Non, vas-y, toi. OK. Je suis plus sûr, en fait. La religion catholique, Marie, c'est pas celle-là qui pleure. Ouais, c'est ça. Tu t'en allais-tu voir ça? Oui, ma Colin. OK, on va annuler. Fais-la. Est-ce que j'entends un bébé qui pleure? Voilà, merci. Parfait. Faut te laisser ton moment quand même, une fois de temps en temps. Ça me remonte l'estime. C'est ça. C'est comme ce matin, t'es allé faire changer tes pneus, tu sais. Oui. Parce que toi, t'es pas du genre à avoir des pneus 4 seasons. Non. T'es pas de genre à être couché après l'émission au motel Four Seasons. Non, c'est quoi le motel? C'est ça, Four Seasons? Ouais, je pense que oui. Puis la télévision, c'est quoi, 4 seasons, ça aussi? C'était. C'était ça dans le temps, tu sais. Tu sais, des génériques d'émissions du matin aussi, ils sont tout en là avec leur jus d'orange, tu sais. C'est tellement pu-pu-peu. Genre, Pulp, c'est le nom de l'album de The Season. Ah oui, exactement. Ouais, gars, ça de même, juge-moi pas, c'est comme ça que ça se passe. That's the way it goes, bâtard. Bon, voilà, explique-nous ça maintenant. Oui. Donc, ben voilà, Mathieu, tu l'as très bien dit, hein, la position numéro 1 francophone, ça monte de 2, c'est Scaphandre. Donc, c'est ça qu'on a remonté de l'eau, hein, Scaphandre. Oui. Et puis, c'est de la formation Kepler avec l'album Déséquilibre. C'est notre première position francophone. Et on pourrait même dire, JP, qu'on va faire jouer ce CD-là, il est tellement bon jusqu'à Scaphandre. Jusqu'à Scaphandre. C'est la pièce à Scaphandre. Ouais. On pourrait dire ça. Laisse faire confiance. Mais on le dira pas. Non, ça va aller. J'ai déjà fait mes jeux de mots. Oui, et puis qui monte de la 8e position à la première anglophone, c'est The Seasons. Hein, tu l'as bien dit, les pneus 4 seasons. The Way It Goes, c'est dans l'album Pulp. Wow! On a très... On a c'est quoi juté, là, quand tu mets une orange? Pressé. Là. Pressé. Ça, jusqu'à temps qu'on ait... Ah, en tout cas. Jusqu'à temps qu'il reste plus rien à presser. T'sais, des fois que ces deux pièces-là seraient aussi numéro 1 la semaine prochaine, faut que je me garde des jeux de mots. Là. Oui, c'est ça. Je peux pas toutes les faire, là. Mais en même temps, la semaine prochaine, c'est pas la version classique. Ah, c'est vrai, t'as raison, y'a pas de palmarès jusqu'en janvier. On peut se gâter! Wouhou! On se monte les étangs! Okay. Ben, on écoute ça. Ouais. Dehors, il neige. Oh non, j'ai peur qu'il pleure. J'ai hâte. Oh, est bonne celle-là. J'ai... Ah oui, qu'il pleuve. Ouais, mais... J'... Assume-la. OK, assume-la. Excuse-moi, des fois, je suis bizarre, j'ai des déséquilibres. Je peux m'épuiser. l'émission. Les premières positions de chaque côté pour la période du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015. On va entendre The Seasons et The Way It Goes qui montent de 7 places. Et qui montent de 2 en franco, c'était Kepler avec Scaphandre de l'album Déséquilibre. Et tout ça va rester jusqu'au mois de janvier parce que c'est la dernière édition régulière des Palmarès C'est Fou. On va se retrouver la semaine prochaine et l'autre après pour les spéciaux C'était Fou en 2014. Back en 2015! Oh yeah, non. Bitches! Oui, 2015. Ouais. Back en 2015, on va dire retour de. Ouais, c'est ça. On se retrouve en 2015. Exactement, t'as bien raison. Toi, c'est pas parce qu'il y a une conférence contre l'anglais. Du Québec, on peut pas utiliser des expressions comme back en 2015, hein? Ben oui. Donc, on va se retrouver quand même la semaine prochaine dans notre case habituelle pour ces émissions spéciales. C'est les mercredis entre 14h et 17h. Reste à l'écoute pour Palmarès du Monde dans quelques instants avec David Ferron. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageHockey.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Certes. Ouais. C'est rare qu'on n'a pas le temps de retourner en arrière tant que ça. Donc, on va se quitter avec une pièce qu'on a sautée, la plus jeune de la gang. On se quitte avec une petite jeune. Mathieu, ça fait deux fois. Je te prends avec une plus jeune. C'est The Last International, oui, avec Killing Fields. Merci, JP. Merci, Mathieu. À la semaine prochaine. Bye-bye. Je sais pas pourquoi, à tous les mercredis, on pense aux ailes de poulet. C'est moi parce que c'est l'odeur, hein, je pense. J'ai dit tantôt à quelqu'un, ferme la porte, les ailes de poulet vont rentrer. Bonne aile de poulet, tout le monde. Oui.